consoler. Passe dernier fois, entre nous ça pas de miel. Faut nous couler, l'eau à nous divers nous. Toto toto, ouvrez pas moi. L'homme est mauvais, pas arrivé changer à rien. Mais pas faire wall, ou j'ai oublié moi. Si le couler, pas donner un petit faiblesse. Nous qui parlons, nous qui...